Ah, taisez-vous. Ça a été compliqué, ça, si ça n'était pas vrai, on n'oserait pas s'en raconter. Bon, on a le temps. Ben voilà. Il faut dire qu'ils ont par là-bas, où je vous cause, un tout vieux gaillard qui va à la chasse, depuis qu'il était debout. Ça fait que forcément, d'année en année, ils n'ont jamais trouvé l'occasion d'y retirer son permis. Bien sûr qu'à un moment donné, il s'est trouvé joliment diminué de la vue et tout, et puis que raisonnablement, on devrait plus permettre de rôder à travers la campagne avec un fusil, ça devient un danger pour le monde. Rapport qu'à 20 mètres, il distinguerait difficilement un troupeau de Mozo et une assemblée de l'amicale des frères. Alors quand la chasse est ouverte, le voilà par la campagne, il suffit que ça bouge derrière un buisson pour deux heures. Un peu comme le Putschu quand il dirigeait la garde locale. Oui, c'était à l'époque des parachutistes, vous en rappelez? Oh, ça oui. Quelle folie ça avait été. On en voyait partout. Le Putschu qui cumulait la garde locale et la poste. C'était venu une balade du CV. Nous aurait tout vite recommandé d'y donner les lettres sans y mettre d'adresse pour dépister les espions. Que bref, un soir, on était en municipalité. Voilà de ces hommes, comme il disait, qui vient la rapercher. Mon petit point de ces airs ultra confidentiels du frère, ma faut m'en aller. Et quoi? L'ennemi approche? Riez toujours, ça n'empêche qu'il y a de suspects du côté du préauclair, en là, dans le marais. Voilà deux, trois jours qu'on les a à l'œil. Je crois bien que ce soir, on y pense. Et nous voilà partis avec une escouade que le Bonaparte, quand il s'en brillait à travers le grand Saint-Bernard, ne devait pas avoir l'air plus important. Mais pas sa place, c'est parachutiste. C'était pas des tout bons. Ah, surtout pas ceux qu'on avait par nos coins. En tout cas, ceux sur Futieux, ils arrivaient le soir dans le marais. Ils avaient des sortes de faldos avec lesquels ils faisaient des signaux, plus rien, nuit noire. C'est justement là que nos hommes s'apprêtaient à aller les cueillir. C'est-à-dire que quand le Putschu est revenu, il avait l'air moitié moins fin. C'était des feux follets ou quoi? Non, bien pire. C'était l'auto du docteur dans laquelle il y avait aussi la régente du village voisin. Oh, alors, celui-là. Il paraît que le docteur est de première force en sciences naturelles. Alors il y expliquait les fleurs des marais. Et c'est même à cause de ça que de temps en temps, il rallumait son palo. En tout cas, si chute il y avait, elle n'avait pas l'air de s'être fait malentendant, la réserve. Enfin, bref, pour en revenir, ils ont eu de la chance, ces deux. Ce ne soit pas le vieux chasseur, je vous disais, qui les émeut, parce qu'il ne les aurait pas ratés. Ah oui, vous parlez de cette histoire de chasse. Oui, voyez alors. Voilà. À la dernière saison de chasse, voilà mon gaillard, mettant qu'il s'appelle Riquet pour s'appliquer. Il s'amène chez le marchand de comestibles avec trois superbes ouailles, joliment gras, et tout. Quand est-ce que vous me donnez de ça? Le marchand regarde ses bêtes, après Riquet, il fait. Et toi, père Riquet, pour des ouailles, c'est un même pour des sauvages. Elles me paraissent rien qu'un catholique. Voyez-vous, moi j'ai la vue la plus basse, c'est ça, je ne sais pas quoi ça fait. Où est-ce que vous les avez eu? Eh bien, les ennemis au bord du bois, derrière le plantage aux grandes dames, hein? Eh bien, moi, Périquet, à votre place, j'irai m'arranger avec les grandes dames, sans ça, ça risque de vous faire des misères. Bon, si vous voulez, à mon âge, hein, on ne peut pas se mettre sur la langue déjà. Mais dans mon idée, elle venait bel et bien du bois, pas avec le rayon, tes voiles. Et puis, voilà, parti. Naturellement, que quand ces grandes dames, trois ans, avaient disparu, c'était bel et bien celle que le Périquet avait massacrée. Comme il n'est pas regardant, pas sans rien non plus, il a donné la grosse somme aux dames. 100 francs, je crois bien. Mais à condition que ça ne se sache pas. Sans ça, on risquait bel et bien d'y reprendre son permis, vous comprenez. Il revient avec le marchand, il explique et tout. Puis il demande le secret, puis il ajoute. Heureusement que la mère gamme n'était pas là ces jours, elle est en visite chez sa sœur, sans quoi je mentirais pas si facilement. Et puis bon. Seulement le malheur, c'est que le lendemain, voilà la mère dame qui passe devant le magasin, elle entre, elle tombe droit sur ses bêtes et commence à faire de musique de tous les tonnerres. Elle se traite le marchand de voleur. Je les ai payés, madame. Allez, racontez ça à d'autres. Si vous les avez payés, dites-moi à qui pour voir. Le marchand empoisonné ne sait pas comment s'en tirer. Il a promis le secret. Ça fait que ça finit à la police. Il a bien fallu cracher le morceau et puis dénoncer le Périquet. On va le chercher. Et puis il arrive, tout innocent. Ces ouailles, mais oui, que c'est moi qui les ai vendues, je les ai achetées à Regame. Achetées, mais par Dieu, oui, voilà le reçu. changement de décor. La mère Gamme sort du magasin, se met à tracer à travers l'endroit et tombe sur son homme qui ne s'attendait à rien. Le mère Gamme avait tenu le secret. Dieu, oui, tu pourrais passer toutes les traces. Il avait profité que sa femme était en visite pour aller faire une virée par le femme et lessiver les enfants au vieux Rick. Après ça, il avait raconté une histoire de voleur où Dieu sait quoi, la bourgeoise, ni vu ni connu, tant oui. Comme ça, sa femme le tient d'ordinaire un peu serré au col. C'était tout bonné. un moment de vergogne vite passe. Ouais, mais comme la femme passe pour avoir de la mémoire, le moment risque d'être plutôt languier. Ça comptait que le permis de chasse au père Riquet paraît quelque peu compromis. Même pas, il n'a pas fait ça, hein. À personne, lui. On ne va pas lui faire une affaire en âge. Vous parliez un moment de la garde locale. Vous en aviez aussi une, par ici? Je vous crois. On avait le putschu qui avait été lieutenant de guide dans le temps. Il ne tenait plus en place. Cette guerre qui se faisait sans qu'il ait des galons, mais ça y semblait de l'ouvrage mal fait. Après que, quand il était question de parachutiste, il n'y a plus tenu. Et vous ne lui ôterez pas de l'idée que si on n'a pas eu la guerre par chez nous, c'est joliment parce que ça s'est su qu'il avait pris toutes les mesures. Et il n'est pas le seul dans ce cas, pour dire vrai. Ce qui est juste, est juste. Et vous en étiez de la guerre? Ouais. Non. À l'époque, j'étais à Lausanne, oui, service complémentaire à cause de mon âge. Mais quand est arrivé la parachutite, on m'a nommé chef de l'autodéfense du collège où j'enseignais. Autodéfense? Oui. On a failli ça ici ou quoi? On a failli. Mais il ne restait plus personne de valide. Alors j'ai sa classe. Et c'était quoi? Eh bien, tout simplement que si pendant la journée ou même la nuit, des parachutistes tentaient de s'emparer de notre collège, nous devions faire face à face en attendant du secours. Ah, comme ça? Oui, et nous étions armés jusqu'aux dents. Moi, j'avais reçu un pistolet, modèle Fondrebon, de quoi épouvanter toute une division blindée. C'est tout dire, personnellement, que je n'aurais jamais osé m'en servir. Seulement, l'amusant, c'était quelques jeunes qui, n'ayant jamais fait de service, exultaient de recevoir une arme à feu et en brassard. Tant et si bien qu'un certain samedi après-midi, Lausanne était sillonnée de braves types en civil, mais portant leur puissant pistolet en bandoulière. Il n'aurait pas fallu essayer de les plaisanter à ce propos, car je ne sais quel miracle, il s'est trouvé quelques personnes que le ridicule de la chose a choqué, sans compter les excès. J'ai eu un collègue qui s'est amusé pendant tout le dimanche à s'exercer au tir dans un petit jardin qu'il avait derrière chez lui. Le quartier était terrorisé. On avait rentré les gosses. Alors j'ai demandé des instructions. On m'a répondu que les armes devaient rester dans le bâtiment que nous avions charge de défendre. Ce qui paraît raisonnable. Ah, il me semblait aussi. Seulement, deux jours plus tard, j'ai reçu une autre instruction qui m'a plongé dans la perplexité. Il était dit que nous devions, en cas d'alerte nocturne, rejoindre par tous les moyens les bâtiments commis à notre garde. Ça va de soi ou quoi? Ah, je suis votre avis. Mais sur le moment, j'ai eu peine à comprendre parce que j'ai l'esprit mal fait. Ensuite, j'ai analysé la situation et en effet, c'était tout simple. Alerte nocturne, je bondissais de mon lit, je suis dans mon collège. Devant le collège, une troupe de parachutistes. Alors je m'annonce et je leur dis, « Monsieur, je vous en prie, mon arme est à l'intérieur. Alors vous serez assez gentil pour me laisser passer. » Et entre collègues, c'est la moindre des choses. Enfin, le cas ne s'étant jamais présenté, inutile d'épiloguer. C'est pour vous dire que votre futur ne m'impressionne guère. On a vu mieux. Oui, ce qui vous ennuie dans la vie, c'est votre manie de vouloir tout comprendre. Ça vous tue, un homme. Regardez le futur, lui. Il n'a pas tant raisonné, mais aujourd'hui, là, cette consolation de cette produit en héros, c'est quand même une satisfaction, ça ou quoi, hein, santé. Conservation. À votre bonne santé, monsieur. Eh bien, si on veut se rappeler de ces époques, il faut quand même, pour être juste, se dire que tout le monde était plus qu'autrefois qu'un fou. Bien sûr que dans ce qui s'est fait, il y a eu pas mal de bétanilles, mais si on n'avait rien fait, alors là, quel chahut! Oh là là, Poussin, tu peux le dire. Les gens sont comme les gamins qui sortent de l'école. Il suffit qu'il y en ait un qui se mette à hurler pour que tout se pousse à un cri. Eh bien, les grandes personnes, c'est du même. Mais rappelez-vous voir, quand on a eu l'année passée cette meule de foin qui a brûlé. Bon, eh bien quoi? Elle brûle, elle brûle. n'y a rien autour qui risque de prendre. S'amuser à sa gicler, ça donne un tas de cochonneries mi-calcinées que pas une bête n'en voudrait, et ça donne le prétexte à l'assurance pour essayer de marchander. Bon, et le gros mafelon a eu parfaitement raison de dire « il n'y a rien à faire qu'à laisser brûler ». Avez-vous entendu ces cris ? Ah, il faut dire que les hommes se tiennent mieux. Mais les femmes, tu avais l'hermeline qui turlait. Il faut faire quelque chose, il faut prendre des mesures. Et la grande Emma qui est venue rouge comme une crête de coq et à peine plus étoffée, il me criait sous le nez. C'est bien toujours la même gabegie dans ce village. Tandis que si tout le monde s'était mis à courater sans raison, à donner des ordres, à organiser un service d'ordre, Dieu sait, alors là, tout le monde aurait été content. Ça n'aurait servi de rien, mais ça aurait calmé les esprits. Quitte après à ce que les esprits forts viennent nous démontrer qu'on avait mal manœuvré. Voyez-vous, Régène, c'est pas si simple. Eh bien, moi, ça me rappelle la fois que j'ai été un espion. Hein? Vous? Moi, je pense bien. Ou bien si j'ai l'air d'un proparien. Ça a l'air de l'étonner, notre Régène. Oh, non, non, mais je ne vous voyais pas dans ce rôle, moi. Oui, eh bien, il faut s'attendre à tout quand le monde vient. On était cantonné, pavé Valorbe, là-haut. Et puis, un soir, sous les 4 heures, on attendait des ordres, comme il arrive souvent dans ces cas-là. Voilà que le camion du QM s'arrête devant nous, puis nous fait... On descend à Lausanne, si vous voulez, on vous pose chez vous, puis on vous part en montant. Vers quelle heure? Oh ben là, vous ferez la grosse matinée demain. Bon, ça n'était peut-être pas extra régulier comme procédure, mais moi j'avais une vache qui avait fait veau. C'était l'occasion de venir embrasser la bamba. Bref, je m'embarquais avec une autre. L'autre descendait seulement jusqu'à Cossonnet, tout va extra. On se rentre sur les 11 heures, ni vu ni connu. Et comme de juste, comme il ne faisait pas trop chaud, on s'était enfâté sous la bâche que juste la tête nous sortait. Ça fait 40 ans, je rencontre de la Sarah qui était de la même compagnie que moi, puis qui se met à rire. C'est toi qui étais sur le camion. Oui, ça c'est sûr, quoi. Moi, je me voyais déjà avec des masses d'histoires en perspective. Hein? Et comment que ça s'est su? Figure-toi voir que je devais téléphoner à ma femme, à la Sarah, donc, et que je l'ai trouvée tout époirée. Elle m'a fait, tu les as vues? Qui ça? Comment qui ça? C'est bien le cas de dire que ceux qui sont en première ligne ne sont pas à renseigner. C'est deux espions, pardine. Deux espions. Mais oui, ils en ont arrêté deux dans ton rayon par là-haut. Tour de la Sarah les a vus quand les menait en prison, dans un camion. Figure-toi que ces crapules s'étaient camouflés en soldats suisses. Ils étaient solidement ligotés, sous la bâche. J'aime autant te dire qu'ils ne faisaient pas les pierres. Des têtes d'assassins qu'ils avaient, surtout un. Oh non. Et le copain m'a dit, ce un, ça doit être l'autre, parce que pour toi, c'est quand même exagéré. Oh, les tapos, quel fléau. Ah, c'est la lutte, ça lisait les journaux, ça voyait que le monde entier partait en cupette, tandis qu'eux, ils continuaient à mener leur petit train-train. Ils avaient l'impression d'y perdre en plaisir puis en satisfaction. Ça fait qu'il suffisait d'un camion, pas trop à l'ordonnance, pour dépendre les langues. Ce soir-là, la Sarah était sans dessus-dessous. Et naturellement que le copain m'a dit, tu comprends bien, je voulais pas la contredire. Il y a 20 ans que je la connais. Ce qui a permis à cette femme de raconter, j'ai téléphoné à mon homme, c'est bien ça, il n'a pas dit non. Oui, bien heureux encore si elle n'a pas sous-entendu que c'est lui qui avait fait l'arrestation. Au péril de sa vie. Ah, moi j'ai toujours admiré les femmes pour ça. Admiré? De loin alors? Oui, vous savez, les beaux tableaux ne sont vraiment beaux qu'avec un peu de recul. Et alors? Eh bien, ce qui est beau, c'est leur réserve d'imagination. Elles vous connaissent tout de même, vous, leur mari. Eh bien, dès qu'on vous met un uniforme, les voilà prêtes à s'imaginer que vous devenez des héros. C'est preuve qu'elles nous connaissent bien, et puis quoi? Mais non, parce que l'imagination vient faire là. Et toi, Sandy? Non, non, non. Il y a des moments où il basote le réserve. À moins qu'il ne veuille insinuer qu'on n'est pas tentaillé sur le modèle du héros, mais je me refuse à croire qu'il puisse penser des bêtises pareilles. Eh bien, moi, je crois que l'uniforme, c'est comme pour la maladie. Nos femmes ne nous apprécient plus parce qu'elles nous ont trop habitués. Tandis que l'uniforme, ça rappelle qu'on pourrait disparaître. Hein? Alors, elles sont comme quand on a de la fièvre, sortent aux petits soins. Il n'y a plus que ça. Moi, je crois quand même que c'est le souvenir du vieux temps. Le vieux temps. Sandre Ban, Guillaume Tell ou quoi? Mais plus vieux que ça, dans les environs de la création. Mais vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Chez toutes les autres bestioles, c'est l'homme qui fait des effets de couleur, de chatoyeur, de toilette, quoi. Puis la femelle qui fait l'ouvrage. Voilà. Au début, ça devait joliment être comme ça chez les hommes. Moi, je vois ça ainsi. Les femmes poutaient les grottes, coupaient le bois, faisaient fendre la glace. Bref, tout le jour en marion-graillon autour du feu de la famille. Tandis que les hommes, eux, se flanquaient des plumes de pin ou des queues d'ours par le portrait, et s'armaient de Dieu sait quelle massue, et hardis à la chasse, ce qui fait que les femmes qui ont toujours eu caponné devant les bêtes féroces... À partir de la souris. Juste. Les femmes se disaient, mon Alexis est peut-être bien un peu brossu de nature, mais ça n'empêche que je suis joliment contente de l'avoir pour m'apporter l'épée. Il les tenait au prestige, et par le bec. Et pendant ce temps, j'imagine bien, comme on connaît les hommes, que pendant leur partie de chasse, il devait bel et bien y avoir des fortes diseurs par-ci par-là, dans un coin que les femmes ne connaissaient pas. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ça grouillait de bestioles. C'est les hommes qui étaient l'exception. Ça ne devait pas être si difficile que ça de capturer un mammouth de loin en loin. Je ne sais pas si vous vous représentez un jambon de mammouth, mais il y a de quoi ranger autour un bonbon de main. Oui, tu as probablement raison, Sadik. Et tu me fais plaisir. Moi, les hommes des cavernes, ils m'ont toujours eu fait un peu peur et pitié. Mais maintenant que je les vois derrière un dolmen, en train de pousser des cafés, ils prennent du brillant. Je m'étonne quand c'est qu'on a, pour la première fois, raconté une histoire. La première fois qu'un homme en a raconté une bien bonne qu'il avait inventée pour faire rire les amis, hein? Oh, c'est un problème, ça. Et on a eu élevé des statues pour moins que ça. Oh, la première histoire, ça m'étonnerait qu'elle ait été inventée. Mais il en faut pourtant bien un qui commence. Oui, oui, mais... Tenez, mettez quatre hommes derrière un dolmen, comme vous dites, Caviste. Supposez un cinquième homme qui n'est pas là. Et imaginez que ce cinquième homme a justement la plus belle femme de la tribu. Il me semble que la première histoire va de soi. Oui. Et puis ça expliquerait pourquoi les femmes tiennent tant de place dans les histoires d'hommes. Mais pour en revenir, que disais-tu? Je disais qu'où l'homme s'est fait blouser, c'est quand il a vendu la mèche. Le jour où, à la place d'aller à la chasse, il a donné des sous à sa femme et il a dit « va faire les commissions ». La moitié de son prestige s'envolait. Et on voit bien comment ça a pu se faire. Un jaloux qui était raconté ce qui se passait, un joli cœur qui pousse se faire bien voir d'une maman de l'époque et a appris à élever les lapins, que bref, je ne peux pas dire à détail, n'est-ce pas? Mais ce que je sais, c'est que la civilisation a commencé le jour où la femme a dit « Te royaume est tout le jour pendant que moi je récure, Bernic, va à la chasse si tu veux, mais rentre pour gouverner, sans ça je te cote dehors et je prends un domestique. Et puisque tu sors, rapporte-moi un balai de biole. » Après tout. Et ainsi de suite, de fil en aiguille. D'ailleurs, c'est bien simple, à la campagne, où on est plus près de la nature, la femme travaille encore autant que l'homme, on s'est encore joliment défendu, quoi. Tandis qu'en ville, qu'est-ce que c'est qu'un riche? C'est la plupart du temps un gaillard qui se tue à l'ouvrage pour le plaisir d'avoir une femme qui sent bon et qui ne tape pas le cou. Et des bonnes, et des autos, et des chauffeurs, et tout le diable de son train. Monsieur aligne des chiffres, et madame boit le thé. Et c'est vrai ou quoi? Il y a de ça. Ah, mais ça, c'est la dernière étape. Ouh, c'est des tenaces. Elles ont pris le gouvernail, les culottes, elles ont fini par nous faire croire qu'elles sont belles alors que nous on est fouet, ce qui n'est pas prouvé du tout. Et il n'y a en somme que quand on leur échappe pour se mettre en uniforme, qu'on retrouve notre prépondérance. Il y a de ça, là, dans le frisson de respect qu'elles ont dès qu'on entend un roulement de tambour. En somme, si je te comprends bien, la plus belle conquête de la femme, c'est nous. Voilà. Et c'est si avant fait qu'il ne nous reste plus qu'à en tirer vanité et profit. Santé. Conservation. Et dans 15 jours, à la même heure. Thank you. Dans le lointain, c'est l'ensemble de la musique du MO qui, l'année passée, sous la direction de M. Otoeld, était sur cette scène. Ce soir, par privilège spécial, Noël a le grand plaisir de vous présenter le quart d'heure vaudois. Vous y verrez tout d'abord, je pense, M. Albert Hinton, talentueux acteur que vous connaissez, et également le syndic du quart d'heure vaudois, qui se trouve être un ancien membre de l'OAL, Monsieur Roger Bastien. Voici le quart d'heure vaudois. Cherche mon syndic. Vous l'avez pas vu? Parce qu'il traîne encore au fond d'une pinte, le gaillard. Enfin, il est tout énervé. Jamais pourtant, rendez-vous. Il est tout énervé ces jours, oui. Il a eu des histoires avec un veau. Je l'ai rencontré l'autre jour, il me dit, je suis tout énervé avec ce veau. Un jeune veau qui venait de naître, il me dit, je ne suis pas foutu capable de le faire voir, ce veau. J'ai beau lui mettre le doigt dans le museau, lui tirer la tête dans le séillon, ce veau turte, ça me gicle de partout, je me fais gronder par la main, parce que j'ai des taches un peu partout, il ne veut pas voir, cette bête. Bon, et puis on s'est quitté ainsi, lui tout énervé, après avoir bu une bouteille, naturellement. Et puis je l'ai revu, là, ce matin. Mon syndic, j'ai dit, alors, es-tu un peu calmé? Ce veau, comment? Ah, il va bien, qu'il me dit, ce veau, oui. Il boit tout seul, maintenant. J'ai dit, ah oui, qu'as-tu fait? Ben, je l'ai inscrit à la fanfare. Il m'a fait. On se trouve comme ça un petit peu tous les jours. Pour vous en raconter une bien bonne qui nous est arrivée l'autre jour par Lausanne. Parce qu'on n'est pas des sauvages, hein. On descend quand même quelquefois en ville. Alors, l'autre jour, on est descendu en ville et puis on se promenait. On a été bien dîné par la cité. Oui. Deux boucles de saucisses chacun, deux bouteilles chacun. Un petit morceau de fromage pour finir. Hein. Bon fromage à l'occasion, quand rien de pourri dans la couenne, c'était extra. Deux, trois cafés lits, et puis on descendait la Madeleine, vous voyez où c'est. Et puis il y avait deux garçons bouchers qui menaient un bœuf à l'abattoir, là. Et puis, je sais pas si c'est la devanture des boucheries, ou bien toutes ces femmes qui turlaient, puis qui naviguaient par devant les vitrines, par l'air, ce bœuf a commencé à choper le moreau aux dents. Les deux gaillards l'ont lâché, le bœuf est descendu droit par la Madeleine. Il est rentré tout droit dans l'hôtel de ville, dont les portes étaient grandes ouvertes. Quand ce sacré syndic qui me fait comme ça, ben tu vois, ce bœuf. Tu vois l'hôtel de ville, là. Il est rentré dedans. C'est bien la première fois que j'en vois rentrer à un là sans être pistonné. Par ce Lausanne, oui, je vous ai donc dit qu'on avait marché à la cité. On avait descendu le père Bismarck qui arrive sur ses 98. Il voulait voir la capitale avant la toute, il nous a dit. Et puis il nous racontait des vieilles histoires, il radotait, mais enfin pas trop. Il nous racontait que de son temps, c'était pas comme du nôtre. Ils avaient eu des célèbres années d'abondance pendant le canton. Il nous disait qu'à ces années d'abondance, il y avait tellement de foin que les vaches levaient la tête pour brouter. De temps en temps, voyait une de ces vaches qui faisait un saut pour choper un trèfle à quatre. Paraît-il que depuis le fait que c'est des chars de regain, on voyait ces lacs. Une fourchette de plus, on aurait vu celui de Génézaret qui nous disait. Les oies étaient devenues tellement grosses que rien qu'avec les plumes du derrière, on faisait du mec. Oh, il y a longtemps de ça, naturellement. Vous n'étiez pas nés ni les uns ni les autres. Il paraît, qu'est-ce qu'il nous a dit encore? Oui, il paraît que les courges étaient tellement grosses qu'on les faisait sauter à la dynamite. Les pépins volaient jusqu'à la vallée de Joux, c'est depuis la cuisine, non. Ils avaient vidé le lac de Bray pour le remplir de lait. Il paraît que les vaches crevaient en barque. Et puis on faisait des conserves aussi de ce temps, vous savez ce que c'est, mesdames? Eh bien, les meurons étaient tellement gros que quand on faisait les conserves, on prenait un meuron, un bocal, un meuron, un bocal. Il y avait tellement de noix qu'ils faisaient venir des Savoyards pour les grûler. Il y avait un gaillard un peu petit, hein. À la première grêlée, il en avait jusqu'au menton. Il y en avait encore un plus petit, on ne l'a jamais retrouvé. Il paraît qu'on a retrouvé son squelette dans le nion. Oui. Enfin. Es-tu peut-être dans la salle, dans cette... Es-tu là? Enfin, si vous l'apercevez, vous direz que j'ai fait le tour des canis du village pour le trouver. À tout à l'heure. Oh, pardon. Bonsoir tout le monde. Vous avez pas vu le caviste par hasard? Je le cherche, oui. Je pense qu'il est en train de se traînasser au fond d'une cave, le gaillard. Oui, il faut que vous dise je le cherche parce que tous les samedis, on a rendez-vous les deux. Oui, on sort un peu, vous voyez. On quitte les mamas un moment. Aujourd'hui, on est à Chailly. Samedi passé, on était... Ah, samedi passé, il faut que je vous raconte. On était dans un petit village du Gros-de-Vaux, un de ces jolis villages de chez nous, bien calme, bien tranquille, bien propre. Hein. Seulement, je ne veux pas vous dire où c'est, parce que si on en parle un moment, je ne voudrais pas que ses habitants se reconnaissent. Oui. Ça fait qu'on est arrivé à l'heure de l'apéritif sur la place du village, devant l'auberge communale qui s'appelle, je crois, le Cheval Blanc ou bien la Croix Blanche, enfin, je ne me rappelle plus, ça n'a pas d'importance. Et puis, sur cette place, on a vu une racaquille de belles voitures, toutes belles alignées, rutilantes, là, toutes plus belles les unes que les autres, des Mercedes. Et puis alors, au milieu, parmi, on voyait une de ces grosses petites VV, toutes poussiéreuses, là, qui détonnaient. Ça fait que, on entre à la pain, puis je dis à la sommeillère, dites-moi, mademoiselle, elle était jolie, dites-moi, mademoiselle, est-ce qu'il y a une fête par là? Vous avez du monde? Une fête, du monde, oui, de toutes ces voitures. Oh non, qu'elle me fait, c'est rien du tout. C'est simplement le vétérinaire qui donne une conférence aux petits paysans de la région. Il faut que je vous dise... Ce village, comme il est bien propre, bien gentil, un vrai village chez nous, c'est en ordre seulement, il a un peu une drôle de réputation. Et on dit que ses habitants sont un peu regardants, voyez, un peu peignettes, comme on dit, portés sur l'économie, quoi. Oui, ils sont près de leurs sous. J'ai un ami là-bas qui habite justement en face de l'auberge, c'est le grand Jules. Ah, celui-là, il laisse rien perdre. C'est le type, il enchappe sa foi à la cave pour pas perdre le bruit. Alors, il est terrible, il est épouvantable. C'est avec les domestiques, parce que, du reste, il ne peut pas les garder longtemps. Tous les 15 jours, il change. Chaque fois qu'il en a un, la première chose qu'il fait, il leur coupe les manches de chemise pour pas qu'ils perdent du temps à les retrousser. Ah, puis alors, c'est le lundi matin. Le lundi matin, il est épouvantable. Il se met à la fenêtre et puis il pousse une puissante bramée. Allez, debout! Demain mardi, après-demain mercredi, on n'a encore rien foutu cette semaine. Enfin, vous voyez ce que ça donne. Enfin, pour tout dire, c'est le type qu'il faut chapier nu pour couper plus rare, oui. Et alors? Mais alors, j'aimerais bien que vous le racontiez pas en dehors de cette salle, parce que c'est un petit peu secret. On dit par le village que quand il prépare de la salade au dandelion, il laisse les pissenlits dedans. Comme ça, son domestique italien croit qu'il y a des œufs dans la salade. Enfin, bref, c'est un village où on dit que ses habitants jettent l'argent par les fenêtres, mais depuis la rue dedans. Oui. Mais alors, en face de ce Jules-là qui est un peu grappiard, hein, on a un gentil gaillard, ou un bon type, alors, formidable, le père Arthur, là, oh, ça, il est bonheur. Seulement, il a un défaut. Oui, enfin, un défaut, hein, un petit défaut, quoi. Si on peut appeler ça un défaut, il boit. Ben, enfin, il boit, et il faut dire que... Il est accompagné d'une femme, c'est une vraie serpette, hein, alors il est quelque chose d'épouvantable. C'est un pauvre gaillard, oui. Puis sa femme, l'autre jour, c'est la Babette, sa femme, elle était à l'épicerie, et puis elle discutait avec la mère Michu. La mère Michu, c'est l'épicière pour vous situer. Puis la mère Michu rouspétait après son mari, comme d'habitude, elle disait, « Mon homme, je sais pas ce qu'il a, plus il vient vieux, plus il vient fou. Voilà petit pas qu'à présent, il voudrait que je lui porte son café au lit. » Alors la Babette prend son air pincé et dit, « Ah ben, chez nous, c'est bientôt le contraire. Je vois le jour où je devrais lui porter son lit au café. Ben, » et c'est la Babette qui... Elle aide à faire des boucheries chez les paysans du coin, vous voyez ce que c'est. Puis un beau jour, elle a fait, « Ouais, chez nous, les cochons viennent pas vieux, mais les vieux viennent rudement cochons. » Vous serez d'accord avec moi, ces gens qui boivent, c'est quelque chose d'affreux. Mon père en connaissait un par le village, un type qu'on n'avait jamais vu de sang-froid, toujours à demi-sou, à demi-fou, oui. Puis un beau jour, voilà, type qui se fait mordre par un chien. Ça fait que quelque temps après, on lui demande, est-ce que vous avez eu du mal ou quoi? Puis il fait, oh, au revoir, moi, pas du tout seulement. C'est le chien, hein. Cette pauvre bête, on a failli la perdre. Il dit, ah oui, pourquoi? Il a été sous pendant 3 semaines. Comment? Ils ont de la chance là-bas parce qu'ils viennent de toucher une jolie régente, ouais. Une jeune maîtresse, mais alors quelque chose dans l'ordre, il y a des rondeurs partout où il faut, hein. Viens s'occuper de la classe des petits. Oh, les petits l'aiment bien, les grands aussi, puis... Tout le monde l'aime bien. Vraiment, dans son école, elle a un petit gamin nommé Toto, ou ça c'est une pyrrhosse. Elle ne peut pas en faire façon. Cette charrette de gamin, depuis le début, il s'est mis à la tutoyer. Il n'y avait rien à faire. Elle s'est dit, bon, il faut prendre patience, il s'habituera, il s'y mettra. Elle essayait gentiment de faire propre. Rien à faire, il ne voulait pas savoir. Ça fait qu'un beau jour, elle s'est fâchée. Elle a dit, écoute Toto, à présent c'est fini. Pour demain, tu vas me faire une punition. Tu vas me copier 50 fois. Je ne dois pas tutoyer ma maîtresse. Tu as compris? Oui, monsieur. Bon, ça fait que le lendemain matin, le gamin arrive à l'école, il glisse son cahier sur le pupitre, il va s'asseoir. La maîtresse ouvre le cahier, regarde, et puis de l'autre côté, Toto, viens voir ici. Le gamin s'approche, puis elle lui fait, je t'ai bien dit hier de me copier 50 fois, je ne dois pas tutoyer ma maîtresse. Il me dit, pourquoi est-ce que tu l'as copié 100 fois? Alors on voit le gamin qui rougit, qui baisse les yeux, puis qui fait, qu'est-ce que tu veux, c'était pour te faire plaisir. Un jour d'après, on en était à la leçon de géographie, puis comme je disais tout à l'heure, donc, elle allait tout petit, alors on n'en est pas à étudier l'URSS ou bien New York, et on n'en est au canton de Vaud. Et puis encore le canton de Vaud dans les grandes lignes, ça fait que on s'occupait des progrès. Et puis la jolie régente leur avait demandé quelle était la plus grande forêt du canton. Ça fait qu'on voit un petit gaillard au fond de la classe qui lève la main et qui dit, mademoiselle, les plus grandes forêts sont aux Ormonts. J'ai mon grand-père qui habite là-bas, c'est formidable ce qu'il y a comme forêt. Je dis, oui, c'est parfait, ta réponse est juste. Aux Ormonts, en effet, il y a de magnifiques forêts. Un autre lève la main et dit, mademoiselle, il y a des grandes forêts à Bière aussi. Parfaitement, au pied du Jura, on peut voir des bois qui sont de très magnifiques bois. Et tout d'un coup, on voit le petit Toto qui lève la main et dit, mademoiselle, c'est tout faux. La plus grande forêt, c'est le bois Mermet. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Oui, le bois Mermet, parce que mon oncle est parti aux champignons il y a 3 mois, mais il n'est encore pas revenu. Faut que j'aille chercher mon gaillard, que c'est avec quelle perte il s'est encore empâté. C'est épouvantable. On s'en sort plus. Elle est pas mieux, quoi. Ah, celui-ci. Quelle angoisse. Ah, te voilà, toi. Ah, tu es là, enfin, Saint-Duc. À peine arrivé, tu te mets à travailler. Eh bien, tu vois, je déjeune. Ah, tu as mon main. Oh là, oui. Eh bien, il te faut t'asseoir, alors. Merci bien. Santé. Santé. On est loin comme dans ces grands châteaux des courses. Oui, tu pourras pas me foutre des coups de pied. Attends, on va me tirer un peu à moi. Là, c'est la table de boucherie. Hein. Uh-huh. Ne te couche pas dessus. Santé. Santé. Respect. conservation. Tu t'y attendais pas, celui-là. Ah, mais dis donc. Oui. T'as du monde ce soir. Oui. Oh, je suis pour rien. Oui. Ils se sont invités eux-mêmes. Ils disent comme ça qu'ils aimeraient bien qu'on leur parle de notre village. Ah oui? Oui. Ben, je me demande à quoi ça les regarde, hein. Oui. Oh, parce que je les connais, tu comprends, hein. Ils veulent qu'on leur raconte et puis après, il faut que critiquer. Ne vont-ils pas jusqu'à se foutre de notre accent? Notre accent? Que l'accent? On n'a pas d'accent particulier! Peut-être qu'ils sont venus pour nous payer un verre, des voix. Alors là, il ne faut pas les faire attendre! Santé! Santé! Oui. Où as-tu laissé le régin? Oh, le régin, il a une ancienne bonne amie de Pachaillé. Alors, quand sa femme a su qu'on montait par l'aile, en côté d'hiver. Ouais. Oui, c'est un pauvre gaillard, hein, il est vissé. Oui. Ah ben, c'est dommage, parce que lui qui est instruit, oui. Qui est intelligent, oui. Ouais. Chapeau. Respect. Mais il aurait pu dire à tout ce monde que, ma foi, on n'est pas n'importe qui. Non, n'est pas vaudois qui veut. D'abord, on n'est pas des masses, hein, dans les 40 000, rien de plus. Oui, tu comptes pas les disséminés, non, alors. Non, je compte ceux qui habitent là, dans le canton. Oui. Enfin, vous trouvez pas que c'est quand même formidable, hein? Que de penser que dans un monde rempli de crapules, on trouve 40 000 vaudois. Ça fait quand même un joli noyau de perfection. Ouais. Surtout que des qualités, on n'en manque pas. Ah non. D'abord, on est intelligent. Oui, on est adère, ouais. On est dégourdi. Nerveux! Oui. Même vif, parfois. Oui. Mais le bonheur, c'est puis surtout une qualité qu'on a, on n'est pas médisant. Ah. C'est pour ça que les histoires de notre village, ça va leur paraître un peu moins. Hein. Mais des fois, vous savez, il suffit de rien, hein? Pour tout foutre en cupesse. Oui. Oui, vous savez, chez nous, on n'a pas grande distraction par le village, n'est-ce pas? On passe joliment notre temps entre le cul de nos vaches et l'escalier de la cave. Ce qu'on nous reproche assez souvent aux syndics, aux régents et à moi, c'est d'être un peu trop souvent à la pente. Oui. Trop souvent à la pente, mais que voulez-vous, la pente, c'est... C'est comme tous les endroits où on est bien, le mariage, le cimetière, enfin tout, quoi. C'est plus facile d'y entrer que d'en sortir. Alors, quand il y a un petit peu d'animation par le village, que ça se gâte avec deux, trois Louises par-ci, par-là, heureusement, on a un bon garde-champêtre. Oh, mais, alors, terrible, mais, gaillard. Il est aussi taupier, le gaillard. Ouais. Ben, je pense que c'est pour ça qu'il a plus d'autorité sur les taupes que sur les gaupes. Vous l'avez rencontré, notre garde-champêtre. C'est un type assez convenable, assez spectaculaire. Mais vous l'avez rencontré pendant le village, quoi. Hein? Mais oui. Une sorte de barrique, vous voyez, hein, qui se serait enfâté dans une fuste, et puis qui aurait juste la tête et puis deux petits couilles au bout de jambe qui dépasseraient. Oui. Il a la tête comme une courge. Juste avec deux trous pour les yeux, comme font les gamins, des fois. Oui. Un ballon de football avec des oreilles de lapin, quoi. Et puis alors, le tout passé au mignon. Hein, on dirait une bassine de confiture. Il reluit comme un volcan. Il a toujours d'ailleurs le volcan en fleur de peau. Et puis sa femme. Sa femme. Oui. Est-ce que tu lui courras tes pas après, un père d'année? Ça de langue. Elle n'a pas toujours été poète comme aujourd'hui, là. À 20 ans, elle avait une de ses chutes de reins. On se serait cru en carousel. Et puis alors, un sourire à faire le succès d'une abbaye. Tandis qu'à présent, c'est une bonbonne avec une tête de chape et des frisettes. Ah, quand elle rit, on a envie de regarder. Quand elle cause, elle se retourne la garguette. Vous savez, comme quand les poules, quand elle clousse. Ah, puis alors, coloré de visage, comme son vieux, oui. Jamais chez nous, on laisserait des tomates mûrir à ce point. Non? Manque de soleil, peut-être. Oui, ça tirerait plutôt sur l'aubergine. L'aubergine, oui. Puis elle a tellement de boutons et de revers sur la figure qu'on a toujours peur qu'elle aille au feu, vous avez comme le lait, quand il se met à frissonner, enfin en plus coloré, naturellement. L'autre jour, elle était en colère. C'était quelque chose d'affreux à voir. Oui. Quand on les rencontre, elle avec son vieux, le dimanche après-midi, qui croit autour du village, on dirait une épidémie de rougeau. C'est bien simple. On mettrait à côté de tous les préfets vaudois, les députés du Grand Conseil et puis le comité de la Sainte-Barbe, qu'on se croirait un congrès d'anémique. Ils ont un fils aussi, il n'est pas très joli, non. Il biclone, le gaillard. Il a les yeux à côté des trous. Quand il se coupe du pain à dîner, il a déjà un œil sur les 4 heures, le gaillard. Ah, puis alors, et puis alors, une grande gueule, hein, ouais. Il faudra l'enterrer dans un cimetière où il y a de l'écho, autrement il veut s'ennuyer, le gaillard. Alors, pour le boire, respect, hein, on a eu de la chance qu'il n'ait pas vécu à l'époque glaciaire. Il aurait suffi d'un dimanche après-midi pour sucer le glacier du Rhône, on aurait pu se torcher pour le lac. Et alors, c'est pas les seuls phénomènes qu'on a. Ah non, il y a toi. Oui. Et puis, il y a le colosse qui reste au bout de serre. Oui, vous le connaissez, oui. Le colosse. Ben oui, que sa femme, c'est la Bégole. Ouais, la sœur Rouquette. Vous l'avez rencontré par le village, ce gaillard qui charque toujours de gauche et de droite comme un domestique qui a décidé de changer de place. Il est assez marin, ce gaillard. Et il a des jambes de cigogne, un ventre de lapine, une nuque de vérin. Et puis, naturellement, le seul endroit où il ne se tient pas du poil, c'est la tête. Mais oui, le quête, c'est celui qui a cette tête d'abondance volée, là. Mais oui, celui qui a marié la fille au gros du rayon. La Georgette qui fréquente le fils de la Juliette de la Copée, c'est pourtant ça. Et puis alors, son beau-fils, au quête, justement, c'est bois sans soif qu'on lui dit, oui. Eh bien, lui aussi, avec une ou deux plumes de coque par-ci, par-là, ça ferait un joli chef peau rouge, peut-être un peu congestionné par rapport au vrai, enfin, on ne peut pas tout avoir. Non. Et puis alors, contrairement au vieux, lui, le poil, il se détient sur la figure. Ça n'y libère pas la main, non. Parce qu'il semblerait qu'il aura un parti pris contre le travail. Non, ah non, non. Seulement, l'ouvrage, il la respecte trop pour en faire un usage quotidien. Ouais. Et il dit comme ça qu'il se sent appelé. C'est le dimanche qu'il est en somme le plus à sa guise. Ce sera un mystique que ça m'étonnerait pas. Oui, il aime bien dormir, oui. Oui, il a mis un pneu à la brouette de son domestique pour pas qu'il réveille le matin en gouvernant. Oui. Et alors la mère, la vieille, c'est tout le contraire, c'est une crise. Oh, le chasse de race, c'est la fille au braquet, oui. Elle te bourdonne toute la journée à travers cette visite. On dirait de temps en temps qu'elle aurait meilleur temps de se coller à la trappe-mouche pour se reposer les nerfs. Non, mais elle a trouvé une autre histoire. Elle qui est pas braillarde, hein. Elle se tient toujours un moulin à café rempli de grains sur le tablard. Alors quand ces deux grands chlampes d'hommes commencent à tourner qu'est par la cuisine, elle t'empoigne le moulin, elle te tourne patacrac, te tourne en te les regardant dans les yeux, bah. Eh bien, le tiroir est pas à moitié plein, que les deux gaillards ont déjà foutu le camp. Le père me disait, ce qu'il y a de pratique chez nous, c'est qu'on a toujours du café frais moulu. Ah oui, une bien jolie famille, ma foi. Oui, il n'y a rien à dire. Puis alors, juste à côté, on a le père Torgnol. Ah, il est bien décoratif, celui-là aussi. C'est un de ces petits vieux, au nez vermillant, posé tout de travers dans une de ces binettes qu'on se tient en réserve dans le coin pour le char de Bacchus pour la fête des vignerons. Oui, on dirait qu'il a mis le nez à la fenêtre un jour de grand vent et puis que le volet le lui a rabattu sur la joue. Père Torgnol, quand il dit, pourquoi est-ce que votre nez est pareillement de bizingue? C'est-il ça qui vous empêcherait de rentrer droit des soirs qu'il y a? Oh que non, qui répond. C'est pas mon nez qui est de côté, c'est tout l'argent que j'y ai mis. Tel que vous le voyez, il vaut déjà au moins dans les 50 000 francs, oui. Et puis il se bonne chaque année de 5 à 6 000. Voyez-vous qui dit avec son petit air tranquille, quand on a de la chance d'avoir de l'argent devant soi, il faut se le tenir sous les yeux, sans ça avec les banquiers et leurs receveurs, ils ont vite fait le changer de liste, vous voulez dire. Respect, monsieur. Conservation. Conseil d'État. Respect, louange. À part ça, qu'est-ce qu'on a encore comme phénomène? Le Schwartz, le pharmacien. C'est qui fabrique les missions, là. Oui, on lui dit le Schwartz parce que... avec sa redingote noire, son paletot noir, sa cravate noire, ses pantalons noirs et puis son regard noir, bah, on dirait un bout de bâton de réglisse qu'on aurait sculpté une tête de mort dedans. Oui, il est froid comme une armoire à glace. Ouais. Rien que de le rencontrer, on chopperait des engelures en plein été. Heureusement, on ne le voit pas souvent, puis alors... Alors qu'un tiri, c'est épouvantable. On jurerait une pompe à purin malgré ça. On le fuit plutôt parce qu'il empoisonne, oui. Il empoisonne pire que l'hôpital quand on a la joue de brouillard. Hein. Quand on le regarde, on a envie de se gratter. Oui. Heureusement, on ne le voit pas souvent parce que il est entortillé par une espèce de route de femme qu'on dirait toujours qu'elle vient d'avaler le sac avec les pincettes à l'air. Ah oui, et puis un petit peu jaunâtre. On dirait une réclame pour les pilules pour le foie, vous savez. Amant le traitement. Ah, la gaillarde, elle ne doit pas être tant galaise en pente et fente. Non, non. Elle doit avoir des doigts de pied comme des... comme des... des pistaches. Des cacahuètes. Des cacahuètes, oui. Hein. Vous voyez, trois grains. Ah, quoi? Mais non, on a oublié de vous dire, le Schwartz, il est formidable parce que... il est tempérant. Ouais. Il en faut. Il en faut. Oui. Eh bien, respect pour respect les pour tempérants qui se retiennent pour qu'on manque de... on ait eu de quoi, oui. Sans respect. Et puis... Ils ont une fille aussi. Oh, la fête a été gâtée par la nature. Ça me fait du bien ce petit aller-venir là. C'est à tournure physique. Oui, la fille, oh la pauvre, oui. Elle a eu marié une Ziegli. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez. On lui disait. Le Ziegli, parce qu'il venait de l'Aubrelande, le gaillard. Oui, il était venu dans la paverne, une bise du Bourignon, et puis... on avait dû le rentrer le soir dans une hotte, parce qu'il avait pris les choses au sérieux. Il a pris le goût à notre vin, il n'a jamais voulu en foutre le camp, oui. Il n'a jamais pu parler très bien le français, puis elle, alors, ça... La fille au soir, elle n'a jamais su l'allemand. Non, mais c'est... cette fille au Schwarz, la Rosette qu'on l'appelle, oui. Oui. Eh bien, c'est pas une femme, non. Non, non, non. C'est une hybride de piano à queue, ouais, croisée avec une musique à bouche. Quand elle parle, il faut tout occuper. Les mots passent, le dernier, le premier, les syllabes sont mélangées. Un charabia en or, on peut être tranquille. Quand elle arrive au bout, ben, elle cantillait. Ouais. Oh, la pauvre. Chaque fois que je la rencontre, elle me fait penser à un sac de schnapps. Oui. Oui, oui, oui, oui. Oh là là. Et puis, elle n'a rien du tout. Hein. Non, ouais. Elle est plate comme une punaise à genoux, là. Bon type, tu devrais l'inviter une fois quand tu descends par Lausanne. Et puis, la Rosette, donc. Et puis, tu devrais l'amener sur ce... à la Riponne, lui faire visiter ce bain qu'on a vu l'autre jour, là. Ah, il faut que je vous raconte. L'autre samedi, on est descendu au marché avec le caviste, et puis on s'est amené sur la Riponne. Et puis, on a vu un pain tout entouré de femmes là qui se dressaient sur des airflets et qui joignaient du croupion pour mieux voir. Et puis c'est qu'elle elle te trifouillait cette marchandise, elle se battait, hein? Oui. Ouais. Ça n'est pas ce qui vendait là, ce bain. Non. Les fausses poitrines. Oh, je savais que ça existait, mais j'avais jamais ça vu accru comme ça. Bien, vous me croirez si vous voulez, hein. Mais de voir comme ça, à même le bain, 300 à 400 paires de... C'était affreux, on se serait cru à Chicago. Et alors, c'est que ça les gênait pas d'être trifouillés là-dedans, de ça sortait, tout ça essayait carrément devant tout le monde, là, hein. Oh, l'ambition va se nicher, quand même. Il y en avait une maigriotte, là, genre Bruno Sec, hein. Elle en essayait une paire, elle allait direct jusqu'au plus gros, hein. Elle s'en pesait, s'en présentait, s'en essayait. Eh, hey, je voulais lui dire, mademoiselle, quand on a un vélo de course, on n'y achète pas des phares d'auto américaines. Il paraît que c'est la mode, ouais. Je suis sûr que par Lausanne, t'as au moins 500 femmes qui se promènent avec un bréchet artificiel. Va savoir s'il n'y en a pas aussi quelques-uns dans la salle. Ouais. Enfin, pour en revenir, c'est quand même bien pratique, ces machins, hein. Quand on fréquente, n'est-ce pas, on s'en gonfle avec une pipette, à son idée, à sa main, n'est-ce pas? Et puis quand les sentiments deviennent plus pondérés, on s'en dégonfle, on s'en fout dans un tiroir, puis on n'en parle plus. Oui, on avance, caviste, hein? Oui. Laissons vivre les méchantes langues. Et buvons frais. Santé. Santé. I'm